Chapitre 2. La semaine entière s'écoula sans que l'abbé trouvât le temps d'aller à Paris. Le voyage était long et prenait une journée entière. Il avait à remplir de devoirs quotidiens, veillant seul aux besoins d'une paroisse qui s'étendait sur plusieurs hameaux. Une absence, si courte qu'elle fût, lui semblait une désertion. Au grand étonnement de Mademoiselle Françoise, il ne parla plus de sa Judith. De son côté, elle n'en souffla mot, trop heureuse d'échapper à des sujets qui l'embarrassaient, l'inquiétaient, et sur lesquels elle se sentait inhabile à formuler un avis raisonné. Il fit peu de musique, du reste. Il paraissait découragé. Il était taciturne, irritable. Au bout de 8 jours, une nouvelle lettre arriva de Paris. Le notaire insistait, disant qu'il s'agissait d'une affaire importante dont le règlement ne pouvait être retardé. Il fallait s'exécuter cette fois. L'abbé partit donc un matin, la première messe dite, laissant à Mademoiselle Françoise le gouvernement du presbytère. Quand il rentra le soir, elle sommeillait à sa place habituelle, à côté de la lampe éteinte, vaincue par la fatigue de cette journée, qui lui avait apporté des besognes et des responsabilités inaccoutumées. Il dut attendre pour se faire écouter qu'elle se fût remise de la frayeur du réveil, que l'ordre eût été rétabli sur la table. Alors, grave, solennel, il laissa tomber ce seul mot « riche ». Que disait-il ? Elle se frotta les yeux. Elle n'était probablement pas tout à fait réveillée. Elle entendait mal, mais il répétait d'une façon très distincte en appuyant « riche ». « Riche ? Je suis riche, tante Françoise. J'ai 30 000 livres de rente. » Un soupçon effrayant lui traversa l'esprit. Elle braqua sur lui un regard inquiet. Mais non, il parlait avec la netteté et la tranquillité d'un homme entièrement maître de sa raison. « Le cousin Jérôme, tu sais bien le parent dont nous parlions hier encore que nous croyions mort. Le cousin Jérôme n'a quitté ce monde que le mois dernier. Il était rentré en France cette année rapportant des colonies une fortune. Il avait chargé le notaire qui m'appelait à Paris de découvrir les survivants de la famille. Il a été enlevé subitement à l'heure même où les recherches allaient aboutir. Je suis son seul héritier. Tout est à moi. 30 000 livres de rente. » Les mains dévotement croisées, les yeux fixés sur les portraits de tous les pauvres morts, dont les visages impassibles souriaient dans les cadres dorés, elle songeait à ceux qui n'étaient plus là, qui n'avaient connu que la peine et la souffrance. Cette fortune, aujourd'hui inutile et sans emploi, leur eût donné le bonheur, la santé, la vie peut-être. Elle avait trop de soumission religieuse pour que l'idée lui vînt d'accuser la Providence, comme d'autres eussent peut-être fait, mais elle ne put contenir un mouvement de révolte. Refuser, n'est-ce pas? Il est bien temps, vraiment. Refuser? Pourquoi refuserais-je cet héritage qui m'appartient légitimement? Si mes sœurs vivaient encore, si elles s'étaient mariées et avaient laissé des enfants, j'abandonnerais certainement ma part. Il ne faut pas repousser ce cadeau qui vient de Dieu et qui peut être employé pour le bien. Au fait, il avait raison. Et pourtant, n'était-ce pas une cruelle dérision? Cette arrivée inopinée de la fortune venant frapper à la porte de celui qui n'en pouvait tirer ni agrément ni profit, après s'être dérobé à la poursuite acharnée de ceux à qui il eût fait la vie douce et longue, sous le calme philosophique qui l'affectait, elle devinait de la colère. Ils causèrent longuement encore, préoccupés avant tout du passé, s'attendrissant sur le sort de ceux qui étaient partis trop tôt. Ils ne se séparèrent que fort tard. Mademoiselle Françoise ne dormit guère. Elle entendit jusqu'aux premières lueurs de l'aube le pas régulier de l'abbé, qui, au lieu de chercher le sommeil, arpentait le plancher de sa chambre. Cette agitation l'épouvantait. Elle avait elle-même autrefois travaillé à façonner son jeune esprit à l'idée du sacrifice qu'imposait la pauvreté de la famille. Elle savait qu'il avait fallu faire violence à ses goûts. Il ne pouvait guère se faire d'illusions sur la nature des réflexions qui le tenaient éveillé. Lorsqu'elle le revit le lendemain matin, elle chercha à le confesser, mais il répondit hardiment qu'il avait dormi à point fermé, qu'elle avait été sans doute le jouet d'un rêve, un mensonge. Ses pensées étaient donc bien coupables, puisqu'il n'hésitait pas, pour les cacher, à commettre un péché. Elle eût bien voulu lui venir en aide, le réconforter, mais la discussion qu'elle prévoyait lui causait d'avance de mortelles angoisses. Elle se contenta de l'observer plus attentivement. Des yeux plus clairvoyants eussent peut-être percé à jour l'indifférence voulue dont il s'était fait un masque. Mais elle se paya de l'apparence et se rassura. Il ne parlait presque plus de l'héritage. Pourtant, un soir, il laissa tomber 2 mots avec un accent singulier qui la fit tressauter. Trop tard, trop tard. Par bonheur, il ne recommença plus. Elle en revint, après une chaude alarme, à sa quiétude. Une quinzaine entière s'était écoulée. Elle le vit une après-midi déposer tout à coup son bréviaire, qu'il lisait d'une façon distraite depuis une heure, prendre son chapeau et sa canne. Il avait l'allure décidée d'un homme qui vient de prendre une grande résolution. « Tu sors, où vas-tu ? » « Chez la Margotte. »« Encore cette Margotte ? On m'a assuré pourtant qu'elle est hors de danger. Elle n'a plus besoin de toi. »« Qu'en sais-tu ? » « Je sais qu'elle ne mérite pas l'intérêt que tu lui portes. Sa vie a été scandaleuse. »« Bon, Jésus a pardonné à la femme adultère. » N'oublions pas qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 10 justes qui persévèrent. » Il la laissa sur cette courte mercuriale, débitée d'un ton sec, et partit. Il était loin déjà qu'elle grondait encore. Quoi ? On ferait donc plus de cas au ciel de repentir de cette Margotte que de toute sa vertu à elle ? Vraiment, à ce compte-là, les pécheresses seraient beau jeu contre les honnêtes femmes. Dieu merci, elle n'était pas de ces esprits qui se permettent de discuter avec l'Évangile. Mais cette joie injustifiable l'offusquait, l'irritait. Le moment arriva où elle sentit la nécessité de rompre le cours de ses réflexions qui la conduisaient tout droit à des pensées impies. Elle s'arma d'un mètre, d'un calepin sur lequel elle n'avait cessé en ces derniers jours d'aligner des chiffres, et elle se dirigea vers l'église. Elle trouva à son retour l'abbé, qui venait de rentrer, écrivant une lettre. Comme elle s'approchait de la table, il cacha l'écriture de la main. Ce mouvement lui déplut, elle s'éloigna. « Rassure-toi, je ne suis pas curieuse, et je n'ai nulle envie de surprendre tes secrets. Je voulais seulement t'entretenir d'une affaire importante. J'attendrai. » Avant de mettre sur l'enveloppe le nom du destinataire, il alla chercher dans les pages de son bréviaire un bout de papier sur lequel ce nom était écrit. Il murmura, ayant quelque peine à le déchiffrer. Pas fort en orthographe, la Margotte. Elle supposa qu'il s'était chargé de liquider pour cette créature quelque vieille dette de conscience. Il l'avait terminé. Elle voulut commencer. Vaine tentative. Il déclara qu'il tenait à porter lui-même la lettre au bureau de poste. Il s'agissait donc d'une affaire d'État. « C'est bien, je t'accompagnerai, nous causerons en route. » Elle se jeta une capeline sur la tête et lui emboîta le pas. Elle avait apparemment beaucoup de choses à dire et connaissait à fond son sujet, car elle entama son exorde sans perdre une minute. La promenade était longue. Lorsqu'au bout d'une heure, ils se retrouvèrent à la porte du presbytère, elle n'avait pas encore cessé de parler. Elle en était du reste à la péroraison. Il avait consciencieusement rempli son rôle d'auditeur passif. Averti par le silence qui se fit tout à coup que la parole lui était cédée, il toussa avec embarras, parut chercher une phrase. « C'est à voir, » dit-il, « j'y penserai. » Sur quoi il tourna le dos et, par un brusque retour aux habitudes anciennes, alla, sans ouvrir la bouche, s'asseoir au piano. Elle resta anéantie. C'était là sa récompense? Elle s'attendait à être félicitée, embrassée. À quoi pensait-il donc? Il l'avait écouté pourtant. Un plan admirable, véritable inspiration du ciel, qui réalisait le problème de l'emploi de cette fortune miraculeuse qui leur créait à l'un et à l'autre des mérites puissants, qu'elle avait couvé avec amour, qui mettait à la place de la modeste église villageoise un temple luxueux, doré, enluminé, pomponné à la dernière mode. Le fruit d'une méditation de 2 semaines, d'un travail opiniâtre qui avait tout prévu, tout mesuré, tout compté, qui avait établi ce qu'il fallait exactement de statues, de tableaux, de vitraux, de chapelles, qui avait calculé la dépense à 100 francs près, qui avait numéroté les pierres d'une tour monumentale. C'était bien la peine. Et dire qu'il avait attendu avec impatience l'instant où lui serait permis de parler, qu'elle s'était empressée tantôt de prendre ses dernières mesures, de faire sa dernière addition, pour rater sa victoire et triompher de la Margotte. Elle bouda pendant toute la soirée, mais il était de nouveau absorbé par la Judith. Il ne remarqua pas sa bouderie. Cela s'était passé un samedi. Le mardi, dans la matinée, un jeune homme qui débouchait du chemin de la gare et semblait descendre du train, se présenta à la cure. L'abbé avait accompagné un enterrement jusqu'au cimetière. Il ne devait pas revenir avant une grande heure. Mademoiselle Françoise reçut assez froidement l'étranger, dont les longs cheveux, la moustache cavalièrement retroussée, la toilette un peu excentrique, en rupture ouverte avec la banalité bourgeoise, la mettait en défiance. Il insista, disant qu'il avait été appelé de Paris par une lettre. « Votre nom ?» lui demanda-t-elle. « René Marin. » C'était probablement le personnage à qui l'abbé avait écrit la lettre mystérieuse. Elle l'invita à repasser. Alors il s'informa de l'adresse de Mademoiselle Rose Margot. La Margotte s'était fait ainsi nommer à Paris, dans le cours de sa vie déréglée. « Mademoiselle Margot ? Connais pas. » et elle lui ferma la porte au nez, outrée de son impertinence. Elle n'était, la malheureuse, qu'au début des surprises. Lorsque l'abbé fut là et qu'elle lui annonça la visite de M. René Marin, il montra une joie extraordinaire, ordonna sur-le-champ qu'on ajoutât une volaille au dîner, qu'on cherchât dans la cave une bouteille du meilleur vin. Puis, lorsque plus tard l'inconnu reparut, il fut pris d'une timidité tout à fait inexplicable. Il n'avait pas été plus décontenancé le jour où le nouvel évêque, faisant sa tournée pastorale, était tombé au presbytère presque inopinément. Cet inconnu n'était-il donc pas ce qu'il paraissait? Qui sait, les curés sont quelquefois mêlés à d'étranges romans, et la Margotte, disait-on, avait été en relation avec des princes et des ambassadeurs. Ils n'étaient pas ensemble depuis un quart d'heure, que de la cuisine où elle présidait aux apprêts du festin, elle entendit le piano. Pour le coup, c'était à n'y plus rien comprendre. La Judith fut jouée d'un bout à l'autre. Elle la reconnaissait maintenant. Le concert ne cessa que lorsque la soupe fumante fut montée. Elle eut le loisir, pendant le dîner, d'examiner l'hôte mystérieux. Ce n'était pas un seigneur, c'était un simple artiste. Sa conversation, fort convenable du reste, d'une honnêteté qu'elle n'eût pas attendue d'un homme de cette espèce, ne lui apprit pas autre chose. Il laissa, à plusieurs reprises, tomber le nom de Mademoiselle Margot, mais chaque fois l'abbé fut pris d'une quinte de toux qui le fit taire. Il y avait évidemment complot entre eux. Elle les gênait, c'était clair. Le repas achevé, elle les laissa. Ne voulait-il pas qu'il recommence la Judith? Une gageure, alors. Et cela dura ainsi toute l'après-midi. Ils finirent seulement quand sonna l'heure du train de Paris. Du jardin, elle les vit partir ensemble. Ils avaient l'un et l'autre sous les bras de lourds paquets de cahiers ficelés, toute la pile des cahiers bleus. Le Parisien les emportait. Qu'allait-il en faire? L'abbé eut à subir le soir un interrogatoire serré. Il essaya de faire de la dissimulation, mais il n'était pas grand faiseur de contes. Il finit par tout avouer. Ce jeune homme était un compositeur, garçon de talent, qu'il avait invité à venir prendre connaissance de son ouvrage, désirant avoir l'avis d'un juge compétent. « D'où le connais-tu ? » Il montra quelque hésitation à répondre. « On me l'avait signalé. »« Qui ? La Margotte, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, la Margotte. » »« Il est le fils d'un de ses anciens camarades de l'opéra. » »« Bon, tout s'explique. Cette lettre que tu me cachais, cette adresse que tu t'allais chercher chez elle... Et moi qui m'imaginais que tu passais le temps que tu lui consacres à la prêcher. » Elle jouissait de son embarras, l'examinait avec un plaisir malin. Il se tenait quoi? Dans l'attitude soumise d'un enfant pris en faute. Heureusement pour lui, elle était toute à la joie de son succès. Il ne fut pas grondé. Elle avait d'ailleurs à satisfaire une autre curiosité dont s'inquiétait, malgré tout, l'affection maternelle qu'elle lui gardait. Et qu'a-t-il dit, l'ami de la Margotte? Il m'a comblé d'éloges. Il m'a dit... « Non, tiens, j'aime mieux ne pas te répéter cela. J'ai peine à croire qu'il ne se soit pas trompé. »« Ah ? Il a emporté tes cahiers à Paris pour les montrer à d'autres musiciens. » Avec un peu d'attention, elle eût pu facilement se convaincre, en le regardant, en étudiant le son de la voix, qu'il cachait la vérité, tout au moins une partie de la vérité. Mais d'autres idées lui traversèrent la tête, soit qu'elle voulût seulement le ramener à des pensées moins frivoles, soit qu'elle eût des intentions d'adresse et chercha à mettre à profit les bonnes dispositions où elle le voyait, elle lui dit brusquement « Tu ne me parles plus de ton héritage. Qu'en fais-tu? As-tu réfléchi au projet dont je t'ai entretenu ?»« Non, » dit-il sèchement. Il ouvrit son bréviaire, qui dans ces occasions lui servait de bouclier, et ne donna plus signe de vie.